Suite à nos dernières expériences, nous manquions de matières premières. Donc, les nuits dernières, Sinistros et moi sommes allés faire l'épicerie au royaume du repos éternel, soit le Haunted Mall Cemetery, qui par hasard est situé à moins de 10 minutes de notre morgue. Arrivé sur place, Sinistros me dit « Docteur, devons-nous choisir exclusivement les éléments les plus frais de catégorie A ou les pièces en solde pour vente rapide? » Et moi de lui répondre « Pauvre Sinistros, depuis toutes ces années, tu te demandes encore comment choisir les pièces de viande. Bien voyons. Nous prenons n'importe quoi, sans discrimination aucune, parce que de toute manière, lorsque tu mets la main à la pâte, les résultats sont toujours les mêmes et ils sont bons pour la poubelle. Et j'ajouterai que si je persiste à tenter ce genre d'expérience post-mortem, je veux dire recette expérimentale, pardon, c'est que pendant que tu t'occupes à ces activités, je suis certain que tu ne feras pas d'autres gaffes ailleurs. Dans ton cas, à ce niveau, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Mais parlant d'évolution, ce soir, tu nous présenteras le dernier segment de la saison d'évolution métallique selon Sinistros. Espérons que ce ne seront pas les choix de Barry White comme la semaine dernière. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, surtout lorsque l'assistant a développé un problème de multiples personnalités, dont certaines au goût discutable. Et vous devrez prier pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause we said so. Go! We'll be right back. Slave for me, tell me. Run away. Still, through all of the bereavement, we will rebuild our. souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. En ce 14 mai de l'an de disgrâce 2019, je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai, comme à toutes les semaines, métalliquement parlant jusqu'à 21h en compagnie de cette tache de vin sur une nappe. C'est-à-dire que c'est pas nettoyable. Sinistros. Même le sel n'enlève pas. Rien du tout. Donc, même dans ton cas, même l'acide la plus ardue ne pourrait rien faire. Tu serais toujours là toutes les semaines. Ben, c'est contre toi chanceux. Je pourrais être là tous les jours. Oui, tu pourrais être ça tous les jours, mais pas moi, évidemment. Non, c'est ça, pas. C'est ça. Comment vas-tu? Mieux que la semaine dernière. Oui, t'as retrouvé ta voix de castrat. Oui, ben c'est ça. C'est ça, tu vois. J'ai laissé ma carrière à Radio-Canada derrière moi et c'est maintenant terminé jusqu'à temps que je pogne une autre grippe. Ben oui, mais tu t'es quand même rétabli assez rapidement. Ben, c'est quand même pas si pire. Ouais. Tous encore un petit peu. Mais c'est un petit peu, moi, dedans, voir. Ah ben oui, c'est assez creux. On vient d'entendre la formation de Berkeley en Californie, Testament et la pièce The Evil Has Landed qu'on retrouve sur le 9e album de formation, soit The Formation of Damnation, qui est paru le 29 avril 2008 sur Nuclear Blast. Un des bons albums de Testament, doit-on dire. Juste avant, un classique de Huntington Park en Californie également, Slayer! Et la pièce-titre Hell Awaits, qu'on retrouve toujours d'ailleurs, sur leur deuxième album. Ben oui, j'ai regardé sur mon CD, puis il n'y plus là. Ça n'est plus là. Ah, ça veut dire que le numérique est... Ah là, ça disparaît. Ça disparaît, ça, OK. Le titre apparaît encore? Non, ça fait un peu comme dans Avengers, ça disparaît. Hellawaits est paru le 16 septembre 96 sur Metal Blades. Pour plusieurs, Hellawaits est un... 85, pardon, oui. Pour plusieurs, Hellawaits est un album emblématique de la formation. Je suis d'accord avec eux. Et pour certains, c'est même le meilleur de discographie Slayer. Je suis moins d'accord avec eux. Je suis moins d'accord, mais c'est un des très forts, par contre. Oui, oui. Et en ouverture de bloc de Californie également, mais de Los Angeles. Metallica. Metallica. Metallica. C'est San Francisco, hein. Maintenant, c'est Los Angeles, je crois. Ben, peut-être, oui, mais... Ben, peut-être qu'à l'époque, mais je vais te le dire. Originalement, c'est San Francisco. San Francisco. San Francisco. On va regarder ça, tu sûr, voir si tu dis pas des carabistouilles. Des carabistouilles. Ouais. T'as lu Tintin, j'imagine? Oui. Donc, tu sais qu'est-ce que je veux dire. De la boule shit. Los Angeles, San Francisco, Californie. Ben, c'est ça. Bon, ben, j'avais pas tort. Ben oui, mais t'avais pas raison non plus. Ben, toi non plus. OK. Los Angeles, San Francisco, Californie. Ça veut dire qu'il y en avait 50% à Los Angeles. T'es en plein ça, t'as compris. Les pièces étant Creeping Death, qu'on retrouve sur leur deuxième album, Ride the Lightning. Puis selon moi, leur meilleur, selon moi. Ben, c'est un des très bons. Oui. Ben, écoute. Bon, encore là, c'est relatif, du très bon pour Metallica. C'est trois albums, c'est tout. Ouais. C'est un bon album. Les trois premiers, et puis ça. Alors, je vais me faire tirer des tomates. Mais toi, tu vas avec Master of Puppets. Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, puis ça finit là. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais, définitivement. Ouais. Je croyais à un certain moment donné qu'Injustice for All pouvait avoir des bons trucs. Il y a des bons riffs. Je l'ai écouté, mais finalement, je ne fais pas grand-chose. Non. Ride the Lightning, deuxième album, paru le 27 juillet 84 sur Megaforce. Ce soir, nous avons la présentation de ce segment mensuel qui est l'évolution métallique selon Sinistros. Ouais, mais pas de suite. Non. On va avoir aussi une présentation de nouveautés en le troisième album de la formation Possessed de San Francisco, là c'est le cas de le dire. Un peu plus tard à l'émission, et je vous donnerai mes appréciations de cet album-là aussi, qui est paru vendredi dernier. Qu'est-ce que tu nous proposes avant cette évolution mentalique? Ben, un bon petit bloc de deux pièces fortement bien ficelées, mon ami. Que tu dis? Que je dis et que tu vas dire aussi parce que tu vas être d'accord avec moi, c'est bien évident. Ben, je te laisse le choix de nous annoncer ça. Ben oui, j'ai choisi un bloc de musique un petit peu plus éclaté. Ah, c'est pourri! Grand-mère est revenue! Ben non, je me faisais que limiter. Grand-mère, que tu as de grandes oreilles. Et de grandes dents surtout. C'est pour mieux que t'aies une fessée, mon enfant. Avec les dents, hein? Oui, c'est ça, avec les dents. Ben, on va y aller avec Septic Flesh, qui viennent d'Athènes, en Grèce, avec une pièce intitulée Prometheus. Oui. Puis on va y aller avec un genre de petit frère de Septic Flesh, en la personne du groupe Melekech, qui se promène à droite et à gauche en Europe. Et eux autres, ils ont eu beaucoup d'adresses. Ils s'y sont promenés, oui, effectivement. Ça doit lui coûter cher de changement d'adresse à la poste, effectivement. J'imagine. Effectivement, ils sont maintenant d'Allemagne. Ils sont partis de Jérusalem pour aller dans les Pays-Bas, pour aller après ça, je sais plus trop où, puis maintenant en Allemagne. Ils sont allés, ouais, c'est ça. Ils sont allés, je pense, ouais, c'est ça. Aux c'est Pays-Bas. Ça quoi? Aux Pays-Bas. Pays-Bas. Oui. Pays-Bas. Oui. Oui, oui, les Pays-Bas. C'est ça. Septic Flesh avec Prometheus, c'est paru sur Titan le 20 juin 2014. Alors, on y va tout de suite. Let's go.

Wow! Ben oui. Mais oui. C'est bien sûr. Mais encore, mais les caches. Ouais. Avec Lost Tribes, c'est paru sur le dernier album, Enki. Il est paru le 27 février 2015. On serait comme du loup. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas mal du. Oui. Sceptique Flèche de la Grèce avec Prometheus. C'était paru sur Titan, qui est presque l'avant-dernier album. Titan. Titan. C'est paru le 1 juin 2014 sur Season of Mist. Oui, leur 9e album déjà. La formation qui est fort impressionnante. En tout cas, pour la fois qu'on l'a vu, c'est fort impressionnant en spectacle. Ouais, disons que ça développe. Oui, c'est assez bien orchestré, merci. Ça fesse tellement musicalement que les gars, les cheveux volent en arrière. C'est, les drapeaux, ils flottent. Oh, c'est fou. C'est tellement puissant. Moi, ça m'avait tellement marqué. C'est tellement puissant comme musique. Regarde les cheveux. C'est fou. Les cheveux vont par en arrière, alors que les sapis sont en arrière d'eux. Ouais, c'est ça. Il y a un phénomène physique qui se contredit. Non, mais ici, c'est ça, c'est la joie du heavy metal. La loi du heavy metal. Oh, mon pauvre Sinistros. Oh là là là là là là. Défiez les lois de la gravité, mon cher ami. Oui, ne m'appelle pas de même en ondes. C'est mon cher. Papy, laisse non faire. Es-tu prêt à m'appeler collègue? Tu peux m'appeler maître aussi. Écoute, avant que tu passes à ton segment, là, compte tenu de l'heure qu'il est là, je vais faire ma chronique cinéma tout de suite. Ben, vas-y donc. Puis après ça, ben, on va oublier ton segment, puis on va passer à des choses meilleures. C'est blab. très, très courte chronique cinéma, mais quand même fort intéressante parce que... Ne dévoile pas spoiler sur Game of Thrones, je te l'interdis. Ah non, je l'ai pas terminé. Et jamais je ne ferai ça, j'ai beaucoup trop de respect... Envoie nos auditeurs. Non, j'ai écouté la 5e et dernière saison de Gotham. Ben, j'ai pas écouté encore. Mais que t'aimes aussi, je crois. Oui. Bon, ben écoute, Gotham, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est l'historique de Batman et des vilains, si on veut, d'une certaine façon. La création de chacun des personnages qu'on a connus dans les films, dans les bandes dessinées. Ouais, Poison Ivy, le Joker, Catwoman, le Pingouin, Mr. Freeze. C'est fait d'une façon originale. Absolument. Et différente. C'est vraiment cool. C'est très, très, très original, tu le dis, et très différente. Et graphiquement, cette série-là est extraordinaire. La 5e et dernière saison de Gotham ne comportait que 12 épisodes, mais 12 épisodes... 12 au lieu de 13, c'est bon, ça. Non, il y en avait 22 ou 23. Ouais, c'est 22 ou 23 épisodes pour les autres saisons. Mais 12 épisodes qui sont absolument décapantes, pratiquement de... Ben, j'ai bien hâte de voir. Très bonne. Par contre, je ne dis pas, personnellement, je ne dis pas que c'est la meilleure des 5. Mais c'est... très bon, et elle a un grand mérite. Elle se termine comme tu vas vouloir que ça termine. Okay. Donc, moi, j'ai pas été déçu du tout. Je trouve que c'est une des meilleures séries qu'il y a eu depuis les dernières années. Série spécialisée, bien, canaux spécialisés, si on veut. C'est vraiment extraordinairement bien fait. Le personnage du pingouin, il est génial. Donc, une très bonne finale pour la saison 5 de Gotham. Et ce qui restera en salle ce vendredi, c'est le troisième chapitre de John Wick. As-tu vu les films de John Wick? J'ai vu le premier. Le premier était très bon. La moitié du deuxième, qui est moins bon. Je me suis endormi dessus, on sait pas pourquoi. Non. Ben, c'est parce que c'était moins bon. C'était un peu moins bon. Le premier était excellent. Le troisième porte le titre de Parabellum. Je ne sais pas s'il va être bien, mais bon, c'est toujours avec Keanu Reeves. Tu nous proposes quoi? Ben, c'est l'évolution métallique, selon moi-même. Ben, il y avait longtemps. Un mois, finalement. Ben oui. Ben, on est rendu en 1982. Pour ceux qui suivent un peu l'émission, ben pour les 2-3, là, qui suivent l'émission. Oui, puis sur 2-3, il y en a peut-être un qui ne suit pas. Ben, c'est en plein ça. Fait qu'on va y expliquer à lui qu'on est rendu en 1982. Ce qui veut dire que là, l'émission précédente, on était en 1981 encore. T'sais. Ouais. C'est, 1981, c'est fait en 3 parties. Exact. Est-ce que tu comptes. D'après moi, 1982 devrait se faire en 2 parties. Mais okay. Ce soir, c'est la première partie. La deuxième partie. À moins que. Pendant l'été, il y a des albums qui se rajoutent en 1982, ce qui me surprendrait énormément. Ouais, des nouveaux albums en 2019 et 82, ça m'étonnerait. Je penserais pas. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il y a des trucs que je laisse faire, tu sais, qui sont pas significatifs. Ben, c'est selon Sinistros. C'est selon moi-même. Ouais, que je vois avec des trucs qui m'ont plus ou moins marqué, mais qui ont quand même marqué le métal aussi. D'accord. Fait que mes cinq choix m'ont plus ou moins marqué. Ben, plus ou moins. Plus ou moins. Ah ouais, à ce point-là? Plus ou moins marqué. Je te dis pas que ça m'a, que j'ai pas apprécié ou, Mais ça, ben là, là, tu me surprends. Et pourquoi donc? Ben, parce que je vois, entre autres, je vois juste deux noms, vite de même, que je suis certain, ben, j'étais certain, pour le moins, que c'était quelque chose qui t'avait fait. Oh! Ben, Iron Maiden avec Number of the Beast, cet album-là, curieusement, ne m'a pas marqué du tout. Bon. Quand je te dis du tout. Ben, OK, je peux te comprendre. Je te dis pas que c'est pas un bon album. OK, non. C'est pas ça du tout, là. on avait entendu. Moi, c'est sûr que certains, quand j'ai connu Maiden avec Killers. OK. Des pièces de Killers. J'étais reculé un petit peu en arrière. Tu sais, j'écoutais pas tellement Maiden à cette époque-là, quand c'est sorti, mais tu sais, c'était correct. Quand Number of the Beast est arrivé, oui, il y a eu quelques bonnes pièces là-dessus, mais ça m'a pas marqué. J'ai vraiment accroché avec Maiden sur Peace of Mind et Powerslave. OK. Mais, quoi qu'il en soit... Ben, moi, tu vois que Number of the Beast, je venais déjà de débarquer de Maiden. Ben, possiblement, parce que c'est l'arrivée de Bruce Dickinson et... c'est ça. Scorpions... suite après. Ouais. Avec l'album Blackout. Ben, ça a été, c'est important. Ça m'a plus ou moins marqué ça aussi. Mais c'est important. C'est important, c'est en plein ça. Ouais. Cet album-là, il y avait No One Like You là-dessus, qui était un gros hit. Malheureusement. Malheureusement, avec un vidéoclip quand même un peu intéressant. Là, tu vois, Alcatraz un peu, puis tout, là, c'était. J'ai décidé de mettre la pièce Blackout. Moi, finalement, Scorpions. J'ai jamais 100% trippé sur le band. Moi non plus. Love at First Thing, il y a des très bonnes chansons comme Coming Home ou Rock. Il y a des bons trucs de Scorpions, mais c'est pas un band qui me fait dresser le poil ses bras. Ensuite, Anvil. Ouais. Avec le premier album, Metal on Metal. C'est le deuxième album. Le deuxième album, parce que oui, t'as raison, excuse-moi. Ouais. C'est pas un album qui m'a marqué non plus. Quelques pièces dessus, mais Anvil en général n'est pas un band que. J'en ai pas dans ma collection. Okay. Puis ça me dérange pas réellement. T'sais. Oui. Je peux comprendre. À l'occasion, entendre des bonnes tunes d'Anvil, il y en a des bonnes. Mm-hmm. C'est bien correct, il n'y a pas de trouble. Mais c'est pas un band. Tu sais, regarde, ils sont venus à Trois-Rivières. On en parlera tout à l'heure. Ils sont venus à Drummondville. Puis je me suis pas déplacé pour ni lutte. Moi, je suis à Drummondville. Ben non, t'es pas à Drummondville, t'es dans la morgue. Je suis dans la morgue de Drummondville. Ah, OK. J'ai t'es la succursale de Drummondville. C'est ça. Je me transpose de temps en temps. Et pour un vendredi soir, j'aurais pu très bien faire les 3-4 kilomètres qui me séparaient de l'endroit où ce qu'ils jouaient. Puis non, j'ai préféré écouter des séries à la maison plutôt que de me déplacer pour aller voir Anvil. C'est plate, mais c'est comme ça. Ben, c'est ton choix, hein? Motorhead, règle générale, ne m'a pas marqué non plus. Non. C'est pas un band... Je suis pas surpris, ça, non plus. C'est pas un band qui m'a accroché. Il y a des très bonnes tournes. C'est un groupe qui a marqué l'histoire du métal, oui. Absolument. Moi, personnellement, j'haïs pas ça. OK. Mais j'ai quelques albums à la maison. Mais t'es pas un fan. C'est correct. Ben, je vais t'excommunier. Ben, t'as le droit. Ben, je sais pas comment. OK. Je vais regarder sur Internet, je vais revenir trouver la procédure, puis je vais t'en revenir avec ça. Raven. Bon, ça, moi, ça m'a... Raven, c'est pas un band non plus qui m'a marqué. Non, mais c'est un band important quand même. Il y a eu quand même des très bonnes pièces. Oh, oui. Il y a des albums que j'ai aimés, comme le EP Break the Chain ou All for One ou Wiped Out. Il y a des choses, des bons trucs qui ont été faits. Fait qu'en règle générale, la première partie de 1982, moi, elle m'a pas marqué. Mais au moins, tu as été capable de faire le discernement que c'était des trucs importants. Important, t'inquiète. Possiblement que la deuxième partie de 82 risque d'être plus intéressante dans mon cas. Il va y avoir du accept, bien évidemment. Il va y avoir d'autres trucs. Mais qu'on n'entendra pas avant l'automne. Pas avant l'automne. Mais ça va vraiment starter à partir de 1983, la patente. Là, ça va débouler. Puis attachez vos trucs avec de la broche parce que ça va brasser. D'accord. Fait qu'on va commencer tout de suite avec la pièce d'ouverture de Number of the Beast qui est parue en 82 sur EMI. On y va tout de suite. Iron Maiden, Invaders. Let's go. We'll be right back. Festival Poudzai est de retour, présenté par la brasserie Bon Sol Natural et le Trou du Diable. Le Festival Punk Rock de Montréal célèbre sa 9e édition au cœur du centre-ville les 17, 18 et 19 mai prochains, offrant les spectacles extérieurs gratuits de Against Me, The Planet Smashers, Andrew WK, Strung Out, Sub et plus encore. Poudzai, c'est plus de 170 groupes dans 5 lieux sur 3 jours. Jardin des bières extérieures, activités pour enfants, yoga punk rock, tournoi de baseball et beaucoup plus. Visitez poudzafest.com pour la programmation complète, les billets et l'horaire. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion le Metal Show tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique lourde et subversive, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême. Sur Sifu 89 du côté gauche, la bande FM en Mauricie. Salut amateurs de blues, ici Denis Baudin, l'animateur de Très Blues à Sifu. Très Blues Assez Fou est en pause pour l'été. Cependant, nous vous invitons à être présents pour le début de notre prochaine saison, le 12 septembre prochain, 19h. D'ici là, nous vous suggérons d'écouter du blues et de visiter les différents festivals de blues un peu partout au Québec. Visitez notre page Facebook, Très Blues Assez Fou, qui demeure active. Très Blues Assez Fou, de retour le 12 septembre sur les ondes de Sifu 89 FM. D'ici là, écoutez du blues. Voulez participer à une soirée qui mettra en lumière des femmes qui s'impliquent activement dans des lieux de pouvoir de leur communauté? Soyez des nôtres lors de la 5e édition du Gala Mauricienne d'Affluence le 23 mai prochain. Laura Nikwe, auteure-compositrice-interprète atikamekw, offrira une prestation lors de l'événement. Les billets sont en vente au coût de 50 $ au www.tcmfm.ca. Cet événement est une présentation de la table de concertation du Mouvement des femmes de la Mauricie, du Secrétariat à la condition féminine et de CIFU 89.1 FM. À la recherche d'aide dans vos démarches d'immigration ou d'installation, d'un emploi, d'une formation professionnelle ou tenté par la vie en région? Trouvez les réponses à la 8e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, organisé par Immigrants Québec. L'événement se déroulera les 29 et 30 mai prochains au Palais des Congrès de Montréal. Au programme, des conférences, des ateliers, un espace CV, des sessions de recrutement express, un photobooth et de nombreux recruteurs de premier plan dans tous les domaines. Toutes les informations sur salonimmigration.com. Fou de palmarès. 89.1. T'as amplement raison, Horace. La vérité sort de la bouche des petits singes. Je te donne 100% raison. Oh, voilà. Ouais. Tu vois, les gens t'apprécient au plus haut niveau, Sinistros. Oui. Ils apprécient Horace aussi. Bravo, Horace. T'as jamais su bien si dire. Effectivement. Si bien dire. Raven, avec. Ben, c'était avant la toune de pause, là. Raven. La toune de pause. Ouais. Raven avec Faster Than Speed of Light, c'est paru sur l'album Wipeout le 3 juin 1982 sur Neat Records. Mm-hmm. Toujours ça va Motorhead avec Iron Fist, tiré d'album titre, paru le 13 avril également 82. Bronze Records, là je ne le répéterai pas 82, là. Vous savez que c'est la première partie de 82, fait que ouais. C'est tout en 82. Sixième album pour Motorhead, we play rock and roll. Oui monsieur. Anvil avec Metal on Metal, qui est paru sur l'album éponyme le 15 avril. Scorpions avec Blackout, album éponyme également 29 mars. Et Iron Maiden Invaders, qui est paru sur Number of the Beast, premier album avec Bruce Dickinson au vocal, qui était sorti le 22 mars. Exactement. Ben, c'était une bonne petite évolution métallique, ça. C'était. Moi, contrairement à. Ben non, c'est pas vrai dans l'entier. Mais moi, Montréal, c'est un band qui, encore aujourd'hui, me fait le même effet qu'à l'époque. Mais je peux comprendre parfaitement que pour toi, ce soit des formations qui ont marqué, mais qui n'ont pas été des gros highlights. C'est pas que j'aille ça. Mais non, pour moi, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Toi, tu t'en sacres un peu. C'est correct. Ça, c'est. Tu sais, il y a une tonne de Motorhead qui joue, c'est cool. Mais même aux enfants 15, tu sais, c'est mon nom, dire ça fait. Ben, c'est parce que ça risque. Tu risques d'avoir l'impression que c'est la même. C'est la même tonne, tu sais. C'est là-dessus, c'est un peu ça. Tu parlais d'Anvil, eh bien, je les ai vus vendredi dernier, ici même au Rock Café Le Stage à Trois-Rivières. Bon, ça a commencé un peu étrange, je dois dire, cette soirée-là, parce qu'on devait avoir le droit de voir trois autres formations qui sont, respectivement, Darksider. Tante, et je vais vérifier si tu me laisses quelques instants. Non, je te laisse aucun instant. Tu devrais savoir ça par cœur. Pas du tout, je l'ai plus. Anyway. Et finalement, ben, pour des raisons qui ont été plus ou moins... Nébuleuses. Ouais. Ben, les trois premiers bands se sont ramassés à la Taverne Royale. Et finalement, moi, donc, le show a été splitté en deux. Ouais. Oui, carrément, carrément. Donc, moi, je me suis rendu pour aller voir Anvil, qui ont embarqué à 9h, qui ont joué quand même pratiquement 2 heures de spectacle. Ils se sont donné beaucoup. Je dois dire que Lips, c'est pas gêné pour dire qu'il avait 63 ans, puis que il a compté beaucoup d'anecdotes, compté quelques blagues à travers ça. Il a communiqué beaucoup avec le public, je dois dire. 63 ans, mais honnêtement... Ça paraît pas. Physiquement, ça paraît pas. Les gars sont en forme. Mais c'est une carrière de 42 ans qui se conclut dans des clubs. Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu triste, à quelque part. Mais quoi qu'il en soit, ils ont été généreux. Ils ont donné beaucoup de shows. Je pense que les gens ont apprécié en général. Malheureusement, j'aurais pas pu voir les trois autres formations parce qu'ils ont commencé plus tard. Et puis Darksider jouait aux alentours de 23h alors qu'Anvil était à peu près pas terminé encore. Donc je peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec les trois autres groupes. Je n'y ai pas assisté, mais Anvil, c'était somme toute un show fort correct. Et puis on a réussi un petit peu à parler avec Lips brièvement, et brièvement aussi avec Rob Reiner. J'ai discuté un peu avec le bassiste aussi brièvement, mais je pense que les gars étaient assez serrés et assez pressés. Mais quoi qu'il en soit, éventuellement tu pourras entendre un ID pour le show de Rob Reiner. Ceci étant dit. C'est la présentation, je dirais, de la semaine. Il y en a régulièrement, pas systématiquement, mais cette semaine, il y en a une qui s'attarde à la formation de San Francisco, California, Possessed. Possessed qui nous revient après 33 ans avec un troisième album qui porte le titre de Revelations of Oblivion, qui est paru sur Nuclear Blast vendredi dernier, soit le 10 mai. Je vous propose d'aller en écouter 2 pièces immédiatement et je reviendrai avec ma petite appréciation par la suite. Donc, vous êtes à réanimation. Possessed, let's go! Devils Podiumatique avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion, le Metal Show, tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique lourde et subversive, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême. Sur Sifu 89.1 du côté gauche, la bande FM en Mauricie. Fou de musique du monde. Sifu 89.1. Sinistro, So You Think You Can Dance? Ouais, c'était fou dans mes oreilles. Hey, wow, mais quel déhanchement. Je savais pas que t'avais ce talent-là. Pas pire, hein? Talent d'écœurer les autres, ouais. Oh oui, mais bien sûr. C'est assez horrible. Bien sûr. Danse macabre paraît être un balai à côté de ça. On vient d'entendre la formation de San Francisco en Californie, Possessed. Voilà. Et deux extraits de leur plus récente parution, soit le troisième en carrière, Revelations of Oblivion, qui est paru le 10 mai dernier, c'est vendredi, sous étiquette Nuclear Blast, quand même, sur un majeur, là, doit-on le dire. Ben, ça sonne pas, c'est ça. Absolument, absolument. C'est un album que, quand tu vas découvrir vraiment... Là, ben, les petites pauses de Tom, là, comme... Non, oui, absolument, absolument, tout à fait. Même sonorité de drum, en plus. Quand tu vas le découvrir, tu vas dire, ah oui, ça, ce riff-là ressemble beaucoup à bon, ainsi de suite. On vient d'entendre Shadow Cult, et c'était précédé de Damn. Et voici ce que j'en ai dit sur le site de réanimation AD.com. Une attente qui dure, en ce qui me concerne, depuis 33 ans. Je me suis tellement posé deux fois cette question. Quand Possessed refera un nouvel album, ou plutôt, quand Jeff Becerra fera de nouvelles pièces, eh bien, c'est fait. Revelations of Oblivion n'est que le troisième album sous le nom de Possessed, et ce, malgré le fait que le groupe a été formé en 83. Il est vrai qu'il y aurait eu un long moment de mutisme et d'inexistence. Ce qui explique bien des choses. Mais le Reborn s'est fait tout de même en 2007. Donc, il aura fallu 12 ans de réflexion et de préparation pour finalement vous offrir ce nouvel opus. Jusqu'à présent, les commentaires que j'ai pu lire ou entendre sont plus ou moins favorables envers Revelations of Oblivion. Et sincèrement, je me demande bien pourquoi. Cet album n'est certes pas Seven Churches et Jeff Becerra n'a plus exactement le même vocal, mais il s'en tire très bien. Et les pièces sont toutes directement dans l'esprit de Possessed. J'irais même jusqu'à dire que certains titres de cet album rappellent directement Seven Churches. Pour ma part, j'aime beaucoup ce troisième album et il comble cette attente haut la main. Une excellente production, une présentation à laquelle on ne peut rien reprocher et surtout un contenu de qualité directement issu des années 80, mais avec ses attributs techniques d'aujourd'hui. Jeff Becerra et sa bande ont, tant qu'à moi, réussi à réanimer cette légende qu'est Possessed et je lui donne 8,5 sur 10. Ce qui n'est pas peu dire. Voilà. Maintenant, Sinistros va nous amener dans un registre qui est peut-être un peu plus... Pas fin, voilà. Pas fin. On s'en va en Suède avec du death metal pur et dur, avec deux formations, dont une qui n'existe plus, malheureusement. Paganizer, on va commencer avec la pièce de Dehumanizer, et ça sera suivi de Cold Worker et de Reprobate sur ce qui a été le dernier album de Doomsayer's Call. Allons-y tout de suite à réanimation Paganizer. Let's go! We'll be right back. Sinistre Rose. Eh bien, un petit bloc dans ta face. Dans la mienne? Ben, dans la salle des auditeurs aussi. C'est un petit bloc. Oui. Quand on dit dans ta face, c'est comme en anglais, in your face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fesse, ça fait mal. Ça j'ai rentre. Rien senti. Ben, c'est pas grave. Ce goût, tu connais rien dedans. Les disciplinistes. Cold Worker de Suède. Ben, arrête donc, pièce, toi. Oui, avec la pièce de Reprobate. C'était paru sur le Doomsayer's Call. Qui est paru le 13 février 2012 sur Listenable Records. Ça rend bien, ça. Très, très bon album. Ils sont tous, ils ont trois albums, c'est tout très bon. Paganizer, également de Suède, avec Dehumanizer. C'était paru sur The Land of Weeping Soul, qui est paru le 1er août 2017 sur Transcending Obscurity. Un autre excellent album. Paganizer ont pas mal tous des très bons albums. C'est si fou comme le son des bandes death metal suédois est fort reconnaissable. Hein? Ben, c'est pas compliqué. Moi, j'avais, tout dans le fond. Ben, moi, j'ai testé la théorie. À un moment donné, j'avais lu un vidéo YouTube avec Ola Englund. Ah oui, oui, oui. Ola Englund, il dit, je vais vous expliquer comment qu'on fait pour faire le Swedish death metal sound. Fait qu'il nous montre une belle pédale qui est une HM2 Boss Heavy Metal. Mm-hmm. Il te la montre. Il te s'apprend Japan, puis il le montre en dessous. Mm-hmm. Fait que moi, je dis, ah ben ciel, j'en ai deux de ça, moi. Ben oui. Fait que... Il dit, pour faire le Swedish sound, il dit, ça prend un ampli, n'importe quel. Peu importe. Il dit, tu mets de la basse, tu mets du mid dans le milieu, puis le high dans le tapis. Il dit, tu prends la pédale, puis tu mets tout au fond, frou, tous les quatre pitons dans le tapis. Ça fait Swedish death metal. Puis il part, il joue une tune d'entom ou whatever, puis ça sonne death metal. Ben, je vais tester ça. J'avais mon igniteur à la maison. Fait que, je reprends la vidéo, il m'a dit, bass, mid là, je mets les high là, on met tous les pitons dans le tapis, ben, ça sonne ça. Exactement ça. J'en revenais juste pas, fait que c'est vraiment intéressant. Fait que oui, j'ai deux pédales heavy metal HM2, puis ils sont pas à vendre. bon. Ouais, les originales sont assez rares ici. C'est deux japonaises, j'ai une 82 puis une 84. Tu connais les années en plus. Oui, monsieur. Oh, ben c'est bien ça. Ce vendredi, ici même, à C'est fou, dès 11h pour les vrais amateurs de vrai rock. C'est Rock Classique qui, cette semaine, célèbre sa 1111e émission. Et j'y participerai parce que nous avons préparé un spécial qui tourne autour des numéros 1. Pas nécessairement une pièce qui était numéro 1 dans un top chart, mais qui a rapport avec le numéro 1. Donc, une émission à ne pas manquer pour les vrais amateurs de vrai rock. 11h à 17h, c'est fou, 89.1 FM, Rock Classique. Aussi, sur SoundCloud, émission de notre ami DJ Tower of Death, Subversion, à tous les deux vendredis, qui se retrouve également tous les vendredis, ici même en rediffusion sur C'est fou, tout de suite après réanimation, le vendredi, et le site de lui, là. Comment il s'appelle déjà? Moi-même. Comment il s'appelle, toi? Moi, je sais pas, moi. Chose Nistrose. Chose de Radio-Canada, qui est plus capable de le faire. Non, hein. Non. Ça fonctionne plus. Mais c'était pas toi, ça me pensait. La barque d'Arine Flèche, ça marche plus. Tu pourrais peut-être faire Clarisse avec Albert Mirard. Non, Albert. C'est bien plus que du bon. Le blog de Sinistrose sur lamort.com pour ses chroniques musicales. Mais ses chroniques sont vraiment, vraiment... En chute libre. En chute libre et en grosse pause. J'espère de tout cœur être capable de recommencer à refaire mes chroniques. Je te le souhaite. Quand on choisit de jouer de la musique, des fois, on a un petit peu moins de temps pour l'écouter. Oui, surtout quand on n'est pas bon, c'est plus long à prendre des pièces. Surtout que j'ai appris cette semaine qu'on avait un spectacle le 22 juin. Donc, j'ai beaucoup de pièces à rattraper, voyez-vous. Bon, ben écoutez, en attendant, si vous êtes nostalgique, des anciennes chroniques sont encore disponibles. Ben, il y en a quand même 600 quelques que vous avez en masse de lecture. Ben oui, voilà. La semaine prochaine, c'est la dernière édition de réanimation pour la saison. Et nous avons suivi notre plan de match. Comme prévu, vous aurez droit à la Mechanical Surgery. Ben, inquiétez-vous pas, on vous a mis quelque chose de très costaud. Est assez hard. Voilà, on va se laisser cette fois-ci avec deux pièces. On tombe dans un registre plus Doom Death Metal. Deux pièces que je crois, en fait, il y en a une, je suis certain, qui va faire plaisir à Sinistros. Ah, c'est bien sûr. On va entendre Paradise Lost de Halifax en Angleterre et la pièce The Longest Winter. C'est un bloc concept. The Longest Winter qui est tiré de Medusa, le 15e paru le 1er septembre 2015. Toi, t'as écouté beaucoup de Game of Thrones. En fait, oui, c'est vrai. Mais j'ai fait le bloc avant de commencer la dernière saison de Game of Thrones. OK, mais disons que t'es inspiré. D'ailleurs, Game of Thrones, je vais vous en parler la semaine prochaine. Mais on ouvre tout de suite avec Trepticon de Zurich en Suisse et la pièce Black Snow. Hein? Black Snow, Black The Longest Snow, Winter. Snow, ben, je suppose. qui est tiré de Marina Casmata, qui est le deuxième album, paru le 14 avril 2014 sur Century Media. Puis qu'on est dû pour un troisième album, là. Définitivement. Oui. Et ça presse. Oui. Oui. Donc, sur ce... Allez tous vous faire foutre. Comment? Allez tous vous faire foutre. Polisson. Polisson. Let's go. Go go radio show, Veterans of Metal, c'est fou.